Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec. Oh oui, alors ça, ce soir, on va rigoler. Eh bien, justement, il n'est pas là ce soir. Et non, notre mascotte internationale Maurice mascotte, n'a pas pu venir. Notre mastoc, oui. Alors, autour de la table, à ma gauche, Frédéric Coster. Excellente émission. Il a pu venir. On va passer un bon moment alors. Ouais, ah oui. Bah oui. T'es t'as... sorti de prison en fait. Oui. Tu sais qu'on a eu beaucoup d'appels suite à la diffusion la semaine dernière d'un extrait de tes sketchs. Enfin, on a eu une personne qui nous a appelé qui a dit mais c'est un extrait de mon spectacle. Ah, c'est Aymeric Marchand qui oui, t'a appelé. Oui. Voilà. Enfoiré. Face à Frédéric, dans l'autre équipe ce soir, il y a Bob du club. Oh, bonsoir les filles. Surnommé le Jurassic Park des ondes. Eh oui. Et enfin, il est sponsorisé comme chaque semaine par Poliakov, c'est GG. Salut. Poliakov étant une marque de vodka. Ah, oui, bien je sûr. Précise, c'est bien aussi sûr. Le nom de jeune fille de Marina Vladi, mais tout le monde s'en fout. Oui. Donc. Alors nous avons un invité autour de la table. Ah, il est tout autour. Enfin, il est surtout à côté de Frédéric ce soir. Il fait partie de son équipe. C'est un invité qui joue un spectacle dans une salle qu'on aime bien à Paris, puisque c'est Le Bout. Ah oui, Le Bout, oui. Oui. Et notre invité, c'est Nicolas Lobé. Oui. Bravo. Bonsoir, bonsoir. Bon alors Nicolas, ça te fait quoi d'être dans cette émission diffusée internationalement? C'est énorme, je suis ému. Non, ça tu évites. C'est énorme, tu évites. Ah, il y a des mots, oui, il y a des mots qui sont proscrits. Gros, énorme, baleine, cétacés, etc. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Et alors, le pire de tout, c'est elle est forte, celle-là. Voilà. Elle est bien bonne. Tu peux dire zeste. Ah, elle est bien bonne, ça, à la limite, il dit rien. Mais... Bah, je l'entends pas souvent. Tu sais, quand tu tombes, t'as envie de dire oh, bah mince alors. Voilà. Ça, c'est autorisé. Ouais. Voilà. Alors, Nicolas Lobé, qui joue donc au bout tous les vendredis soirs à 19h. À 19h, voilà. Un spectacle qui s'intitule À la recherche du bonheur au travail. Est-ce que vous pensez que c'est possible le bonheur au travail? Oh bah nous on s'éclate. Parce que dans tes personnages, il y a des gens qui sont pas heureux au travail. Alors il y a un peu tout en fait. On dirait une blague du Goupil. Il y a des sketchs effectivement où en fait on retrouve des gens qui sont en plein décalage dans leur boulot. Et puis également du stand-up dans lequel il y a une vraie réflexion, non pas du tout en fait, c'est n'importe quoi sur qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux au travail aujourd'hui. Et alors, tu vas voir que dans cette émission, il y a des questions, des quiz et des épreuves. Ah, mais il faut savoir que cette émission est une épreuve. Voilà. Merci. Et la première épreuve de la soirée, elle est pour toi. Il faut donner un nom aux deux équipes que vous représentez, de façon à ce que nos auditeurs puissent suivre plus facilement l'évolution des points. Mais t'as raison. Donc, un nom pour l'équipe composée de Bob du club et GG. Alors, pourquoi pas l'équipe Besson? Pour les mini-meuils? Non, pour le traître. Ils ont l'air d'être des fidèles de l'émission quand même. Ah ouais, non, pour la grande bleue à côté de moi. Très bien. Et alors pour ton équipe? Et pour nous, les hortefeux? Ah bah c'est mieux, oui, t'as raison. Ah, je l'aime bien. Je l'aime bien. Oui. Donc voici la première question. Ah! Le premier point. J'ai été prêt, hein. Yes! Pourquoi les fers à cheval sont-ils censés porter bonheur? À cause du trèfle? Comment je le ouais, c'est une origine. C'est là les fêtes. Voilà. Voilà. Ça a une origine. Hein. Pourquoi ça, ça a un rapport avec les chevaux? Bonne origine. Oh bah, c'est un rapport lointain avec les chevaux, oui. C'est un rapport au moins avec les fers, même pas. Non. C'est un rapport avec le maréchal Ferrand? Non. Un rapport avec une ruade de cheval? Non. Un rapport avec les clous? Non. C'est la forme qui porte bonheur? Non. C'est un rapport avec quelque chose? C'est un rapport avec le fer à cheval. Oui. C'est très vieux, ça date du Moyen-Âge. Ah bon, on n'était pas né. Tu t'es arrêté à la page Moyen-Âge là-dessus? Oui, là je suis à Moyen-Âge. Déjà la semaine dernière. Ça date du Moyen-Âge. Bah, oui. Il y avait déjà des chevaux à l'époque. Mais oui, il y avait déjà des chevaux. Et il y avait déjà des chevaux qui étaient ferrés. Bah oui. Oui. C'est extra! Et c'est alors donc. Mais alors, pour que ça porte bonheur, ça n'a pas des chevaux. Excusez-moi, la culture, tout le monde s'en fout, mais voilà. C'est extra? Oui, c'est ferré. Ah oui. Oh là. Est-ce que c'est sexuel? Non. Ah, voilà, malheureusement. Non. Non. Écoutez les émissions précédentes. Alors, les chevaux sont vraiment pour rien dans l'histoire. Non, enfin, non. Ils y sont pour quelque chose parce qu'en fait, c'est eux qui avaient le fer à cheval sur leurs sabots, mais quelquefois, il leur arrivait de le perdre. Oui, tout à fait. Ah, et quand on trouvait un fer à cheval sur un chemin, ça portait bonheur. Pourquoi ? Parce que ça voulait dire que l'ennemi qui était devant. Non. Alors imaginez le paysan, il trouve un fer à cheval. Oh ben, je pourrais l'ouvrir à ma femme pour le cadeau. Parce que peut-être que ça coûtait de l'argent. Parce qu'il le vend après. Bonne réponse de Baf du Club. Alors voilà, Nicolas, j'espère que tu as bien profité du moment. Un point pour l'équipe. J'espère que tu as bien profité du moment, Nicolas, parce que c'est la seule fois de la mission où ils vont marquer. Attends, t'as vu comment vous avez été écrasés comme des vieilles crottes. Le premier point est donc marqué par l'équipe Besson. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, la tournée de blagues qui va être initiée par Frédéric Coster. Alors, ça se passe dans une caserne. Et il y a un jeune qui est là et qui croise un officier sans le saluer. Alors, l'officier dit « Eh, dis donc, vous, on salue plus ? Quel est votre nom ?»« Jacob Lévy, mon lieutenant. »« Quelle compagnie ?»« Lévy et compagnie, mon lieutenant. Donc Nicolas, ça va être à toi. Voici la blague de Nicolas Lobet. Donc voici ma blague. En fait, ce sont deux amis qui pêchent ensemble tous les dimanches depuis des années. Et puis un jour, l'un des deux se marie. Et donc il se marie un samedi. Et le lendemain, son ami se dit « Bon, bah tant pis, je vais aller à la pêche tout seul. » Il arrive donc vers 5h du matin à l'endroit où ils pêchent ensemble tous les dimanches depuis des années. Et surprise, il trouve le jeune marié qui est là. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? T'es pas au lit avec ta femme quand même ? C'était ta nuit de noces ?» Là, tu fais, non, là, j'ai du mal à l'approcher, là, elle a une haleine épouvantable. Bon, enfin, ça t'empêche pas de lui faire de l'amour quand même, c'est quand même ta nuit de noces. Non, là, ça me dégoûte un peu, elle a une vaginite, c'est purulent. Ça... Écoute, je sais pas, prends-la au moins par derrière. Non, elle a des hémorroïdes, c'est plein de sang. Vraiment, c'est pas possible. Écoute, vraiment, je ne comprends pas pourquoi tu l'as épousée. Écoute, tu verrais les vers qu'elle me chie pour la pêche. Oh non. Il faut interdire aux invités d'écouter l'émission. C'est crade, hein. C'est Gégé qui raconte ça. Oui, c'est vrai. Alors Gégé, qu'est-ce que tu nous as pondu ? Un homme est réveillé en pleine nuit par la sonnerie du téléphone. Il se lève pour aller répondre et revient rapidement au lit, aux côtés de sa bonne femme qui lui demande « C'était qui ?»« Je sais pas, la SNCF je crois. » Il demandait à quelle heure la voie était libre. Oui, elle était mignonne celle-là. Elle était mignonne. J'ai presque failli rajouter à la fin. Mais ça tu vas comprendre aussi pourquoi, parce que cette imitation, Frédéric Coster est très doué en imitation. L'imitation de Maurice. Donc c'est un couple qui est au supermarché. Dans le rayon sous-vêtements, et il y a la bonne femme qui essaye les soutiens-gorge, qui dit à son mari, regarde, et celui-là, comment ça ne va, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Puis l'autre est excédé, au bout d'un moment, il dit, attends, t'achètes des soutiens-gorge, t'as rien à mettre dedans. L'autre a sorti, on a dit, t'achètes bien des slips. Alors, justement, vous parlez des femmes, vous savez, vous connaissez les hommes les plus importants pour les femmes. Donc, il y a le médecin, parce qu'il leur dit, allez madame, enlevez vos vêtements. Il y a le dentiste. Qu'il lui dit « Ouvrez bien grand !» Il y a le livreur, qu'elles aiment bien aussi, parce qu'il dit « Je vous la mets devant ou derrière ?» Et il y a le banquier, parce qu'il lui dit « Si vous retirez trop vite, vous allez perdre tout l'intérêt, madame !» Et enfin, il y a le chasseur, parce qu'il pénètre dans le buisson, tire deux coups et mange ce qu'il a tiré. Bravo. L'intérêt du banquier, c'est qu'il débite aussi. Allez, on revient dans quelques instants avec Nicolas Lobet. Oui. Retour, on va se marrer avec Nicolas Lobet. Alors, Nicolas, c'est ton premier one man ou t'as déjà sévi ? Tout à fait, non, c'est la première fois que je sévis dans le café théâtre, donc premier one man show. Ah ! Et alors qu'est-ce que ça t'était. Oh là là ! Ah, il y a du montage. D'où est-ce que c'est venu? Mais oui, d'où est-ce que c'est venu cette envie de faire du one man? C'est venu en fait de... En fait, de quelques humoristes que j'aimais beaucoup, de Pierre Palma, c'est venu de Gad Elmaleh également, et puis d'Eli Kaku, qui était une de mes idoles. Ah, Eli Kaku, on peut avoir une petite imitation peut-être de Eli Kaku? Non. Ah bon? Je ne sais pas imiter Eli Kaku. Oh bah, t'imites tout le monde. Qu'est-ce que vous faire alors? Si, Madame Sarfati. Bah alors. Et belle. Voilà. Non, demandez aux professionnels. Oui. Oui, Eli Kaku, il y avait l'attaché de presse. Et belle alors, pourquoi vous rigolez pas? Il faut rigoler, c'est une émission comique, on rigole. Vous avez payé vos places. Ben, faut amortir. Excellent, Eli Kaku. Ah oui. Excellent. Ça fait un moment qu'il ne fait plus rien. Oui, c'est vrai. Non, bah, il doit s'en reposer. Bob. Oui. Tu dis un mot sur... J'ai rien dit. Sur qui? Sur Maurice. Ah bah pardon. Parce que dans l'émission, on a aussi notre humoriste fétiche. Donc, je suis très déçu d'ailleurs de ne pas le voir ce soir parce que je ah bah oui, oui. Entendais beaucoup. Lui, hein, bah oui, vraiment. L'équipe là, ça fait un trou. Ah, il a le vent en poupe. Oui, et il a donc deux blagues à son palmarès. Ah, c'est-à-dire que sa place est très propre, hein, puisqu'il a deux blagues récurrentes. Deux blagues qu'il nous fait depuis 4 ans. Ah oui. Les mêmes. Qui raconte de manière différente à chaque fois, je crois. Bah, il se plante. C'est-à-dire qu'il se plante pas au même endroit. Genre. Voilà. C'est ça. Alors, il y a soit la blague du clocher, oui. Soit la blague de la vache et le citron. Et puis, il y a Captain Igloo. Il y a Captain Igloo maintenant. Mais je ne l'ai pas Philippe, encore en stock. Philippe, entre nous, le clocher, tu crois pas que les gens en ont marre à force? Bah, le problème, c'est qu'il y a le clocher, il y a 4 versions quand même. Hein. 5 voilà. versions. Mais moi, je trouve que le clocher, on y prend goût. Oui. C'est presque une drogue à force. Alors, au choix, Nicolas Lobé va choisir donc ou un extrait de la blague du clocher. Ou un extrait de la vache et le citron. Moi, c'est le clocher qui me tente le plus. Ah, le citron est bien aussi. Oui, le citron est bien. Bon, aussi. Après. Bon, bah, à ce moment-là, on va passer. Alors, le foirage de la blague du clocher, on va prendre le foirage, pas le numéro 1, on le connaît par cœur, hein, numéro 1. Les autres aussi, Philippe. Oui, remarque, c'est vrai. On va prendre le numéro 2. Ah, bah, tiens. Oui, pourquoi pas. Est-ce que tu connais la différence entre un i et un clocher? Ah oui, on le clocher. Le clocher. Sans les notes. Alors, sans les notes. Oui. Là, il n'y a pas les notes. Non, ne repousse pas ma table. Non. Vas-y. Alors, quelle est la différence entre un i et un... Non, c'est est-ce que vous connaissez? Oui. Ah bah si. Non. Connaissez-vous la différence entre un i et un clocher? Ah non. Personne dans le public? Non. Et eh bien, le i, c'est la voyelle. Oui. Et le clocher, oui. C'est là qu'on. Ça a failli. On était à ça. On était à ça, on était bien. Non, mais c'est Frédéric qui m'a déconcentré. Oh, bah oui. Bon, alors, vas-y. Alors, attends, refais-la quand même, qu'on le revoie une fois. Ah, non, qu'on est bien une fois dans la semaine. Bon, alors, vas-y. Maurice, la blague. Bon. Savez-vous quelle est la différence entre un i et un clocher? Oh non. J'aime bien. Oh non. Non. Le i, c'est la voyelle. Oui. Et le clocher, c'est là où on sonne. Je me casse. Non, n'applaudis pas. Ça fait 15 jours qu'on se fout de sa gueule avec ça. Il ne refait pas. Non, mais arrête. Arrête. C'est là où qu'on sonne. C'est là qu'on sonne. C'est là qu'on sonne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous la dire mot par mot, et après, David et Mickaël font le montage. Non, mais ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Ah bah oui, c'est sur ça Internet. Ça a tourné sur Internet pendant toute la semaine. Même les postiers des temples ont été débordés avec les... Voilà, avec que de bons souvenirs, oui. Alors, comme Maurice... Maurice, où que tu sois, si tu nous écoutes. Comme Maurice n'est pas là, on repose en paix. Que tu puisses quand même juger, on a eu un moment vraiment inoubliable il y a 15 jours, 3 semaines, oui. Avec un jeu qu'on fera tout à l'heure qui s'appelle Deviner, c'est gagner. Le principe de ce jeu très simple étant de faire deviner un mot à son partenaire. Bob étant en équipe avec Maurice il y a 15 jours, 3 semaines. Depuis le début. Oui. Devant lui faire deviner le mot lézard. Non. Caméléon. Lézard, c'est le premier mot que j'ai dit. Voilà, donc là, imaginez, Bob vient de dire lézard à Maurice. Et voici la réponse de Maurice. On n'écoutera pas l'intégralité parce que non, ça a duré une demi-heure. On est là demain, sinon. Oui, mais on a bien rigolé cette semaine-là. Mais tais-toi, aide-les aussi, pense. Hein. Sac. C'est pas oh là. Vas-y, hey Bob, c'est maintenant. Bob, c'est maintenant. Vas-y, Bob, c'est maintenant. Là, vraiment. Non, mais là, avec des impailles, t'es fondre. Non, Philippe, stop. Vas-y, Bob, vas-y. Maurice, vraiment, tu me désoles. Voilà, bravo. Alors, en le plus, mot c'est aidé à ma pauvre. Bon, alors, la main passe. Ah oui. Mais Bob, tu sais, on a encore un an pour arriver à deux ans pour arriver alors, à deux. Il faut que je vous trouve un mot pour vous. Oui, là, oui. Oui, mais qui va quand même. On sait jamais parce qu'ils peuvent ne pas trouver aussi. C'est impossible de nous mettre à fond sur la main. Arbre. Vas-y, propose. Vas-y. Ouais, je pensais à iguane. Non, attends. Il n'a pas dit le mot encore. Mais si, il a dit arbre. Il a dit arbre. Arbre. Non, ça peut être un serpent. Un iguane, ça monte pas sur un arbre. Ah, tiens. Les varans, ça monte pas sur les arbres non plus. Comment tu dis Je sais pas. Je sais pas. Comme... Iguane. Allez, santé. Iguane. C'était pas mal, hein. Mais c'est pas ça. Ah Maurice. Attention. Hein. Maurice, concentre-toi. Tu sais, parce que lui, il est très pervers quand c'est pour nous. Ah. Scorpion. Scarabée. Je veux changer d'équipe. Alors, ah, mais je sais. Ça y est, je sais. T'as même pas besoin de dire le mot. Il faudra m'expliquer le rapport entre arc-en-ciel et scorpion. Je crois que Philippe va faire une attaque. Non, c'est à toi, tu dois dire. Non, mais attends, c'est sa réponse. Ah, est-ce que c'est ta réponse? Non, c'est pas ta réponse. Si, c'est sa réponse. Il réfléchit. Si, monsieur l'arbitre. C'est sa réponse. Bon, allez, est-ce que t'as autre chose à dire au moins? Avant. Oui, bah vas-y. Attends, mais j'arrive plus. J'ai plus d'autres mots. Oh là là. J'arrive plus. C'est bon, on lui donne une deuxième chance. Oui, on lui donne une deuxième chance. Alors, le scorpion n'est pas un lézard. C'est pas un insecte non plus, puisque c'est un arachnidé. Mais il a le droit de se déguiser. En arc-en-ciel. Avec sa grande trompe. Sur un arme, il a dit. Ouais. Allez, arc-en-ciel, le dernier. Un arc-en-ciel. Oui. Ah là là, oh là pauvre là. Maurice quand même. Parce que là, il dit le petit coléoptère là. Scarabée, non? Scarabée. Ah, ouais. Bah enfin bon, bah voilà, Maurice, donc tu l'as découvert. Il viendra à ton spectacle, de toute façon. On va lui donner l'affiche. Oui, moi je viens à tous les spectacles. Ça tombe bien, je fais participer les gens, donc. Je pense que vous êtes pas couché alors. Hein. Donc, voici donc une deuxième épreuve de l'émission, c'est l'épreuve du trivial. Et la première carte, donc le principe, j'ai tiré deux cartes au hasard. Hein, t'as vu, c'était j'ai bien vu que t'as tiré deux cartes au hasard, voilà, qui étaient préparées d'avance. Une carte pour l'équipe. Connaissant Philippe, vu les soirées où il va, il tire au hasard. Donc une carte pour l'équipe Besson, une carte pour l'équipe Hortefeux. But du jeu, il y a 6 questions par carte. Répondre au plus grand nombre de questions. L'équipe qui donnera le plus grand nombre de bonnes réponses marquera le point de cette épreuve. Bien. Bob, tu veux la carte numéro 1 ou la carte numéro 2? Plutôt la 2. La 2. Top. Alors attention, parce que le chronomètre est important. Si toutefois vous aviez nombre de bonnes réponses, c'est l'équipe qui répondra le plus vite. On se concerte avant de répondre. Hein. D'accord, mais concertez-vous au micro alors. Oui. Hein. Par contre, juste une question, on a droit à plusieurs réponses ou une seule? Une seule. Sauf si je vous dis, il peut y avoir plusieurs réponses. D'accord. Alors attention, c'est parti, top chronomètre. Dans quelle ville est née la Commedia dell'arte? C'est pas Venise. C'est peut-être Venise. C'est en Italie, oui. Non, mais ça me paraît bien, ça. On va dire ça. Venise. Ben non, c'était Bergame. Ah, oui. Qui est amoureux de Stéphane Audran dans Le Boucher? Ah si, c'est Jean-Yann dans le boucher. Ouais, peut-être. Hein ? Qui fait le boucher d'ailleurs. On dit Jean-Yann. Correct. Qui était le prénom de la duchesse de Montespan ? Qui était ? Quel était le prénom de la duchesse de Montespan ? Ah, c'était une pute de Louis XIV. Mais à part ça. Une pute. Marie-Vonne. Alors si vous ne savez pas, vous pouvez pas trouver, hein, parce que c'est un prénom particulier. Oui. On ne sait pas. Athénaïs. Oh, bon, ah oui, oui. Quelle œuvre de Franz Schubert est aussi en vente chez le poissonnier ? La truite. Bonne la truite. Réponse. Dans quelle ville se trouve le plus grand musée d'histoire naturelle du monde ? Ah, ça c'est à Paris, c'est le Louvre. D'histoire naturelle ? Ah, d'histoire naturelle. D'histoire naturelle du monde. On a une chance, il est sourd. On a une chance de gagner. D'histoire c'est vrai naturelle. Que le nôtre est très grand. Non, mais nous, c'est le jardin des plantes, c'est l'histoire naturelle. Oui, mais enfin, c'est un musée d'histoire naturelle aussi. Mais alors, attends. Il est très grand. Ouais. Il y a le British, mais le British, c'est comme le Louvre. Le plus grand musée du monde, c'est Amsterdam, mais c'est pas un musée de trucs naturels. Bon, alors vous me dites. Limite pour le chrono. Ben non, mais c'est gros. Ouais, Paris. Paris. Non, c'était New York. Ah, oh, oui. Quel sport était pratiqué par Ramon Shaw dans le roman de Pierre Loti ? C'est une ski et pas Ramon Shaw. Ramon Shaw. Ou du ski ou du tennis ou... Non. Vous me dites. Non, ni l'un ni l'autre. De la pelote basque, tu crois qu'il jouait ? Il était plié. On va dire ça, pelote basque. Correct. Je crois qu'il était plié de chaussettes. Avec une aide du public. Largement aidé par le public pour cette quatrième bonne réponse. Pas tout à fait. Dis donc le public. Donc quatre bonnes réponses. Marc, hein. C'est vrai que Besson, c'est l'équipe des traîtres. Attention pour la deuxième carte, l'équipe porte-feu. On a le choix ? Il n'en reste plus qu'une. On prend celle-là. Allez, alors, attention, le chronomètre est prêt. C'est parti. Quel événement a lieu chaque année à Svetochowa. Je savais même ça pas. S'écrit ça s'écrit C-Z-E-S-T-O-C-H-O-W-A. Aucune idée, moi je dirais. Quel événement ? Oui. Une course de chevaux homosexuels. Correct. Non, c'était le pèlerinage de la Vierge Noire. Ah, je ne sais pas où c'est. Bonjour, je suis. Où les marins. De Jacques Brel, pleure-t-il ? Dans le port d'Amsterdam. Oh, correct. C'est... De quelle infirmité Hannibal souffrait-il ? Hannibal Lester ? C'est une question d'histoire. Une infirmité ? De quelle infirmité ? C'était trop fait mettre par ses éléphants. Hannibal. Il en a vécu, je sais pas. Oui. Peut-être qu'il boitait, peut-être. Il s'était fait marcher dessus par un éléphant. Alors, votre réponse qu'est-ce qu'on dit infirmité. Infirmité. Il avait qu'un œil, non ? Il était pas borgne, cyclope plutôt ? Allez, allons-y. Parce non, c'est rien, hein, je connais rien. Il était borgne. Correct. C'est vrai ? Bravo. Mais oui. Bravo. Bravo. Quels sont les titres de la trilogie d'Henry Miller ? Alors, il y a Sexus, Nexus. Oui. Et Bexus. Et Plexus. Correct. Bravo, Frédéric. Oh là là. Pourquoi Louis Vachansky a-t-il son nom dans l'histoire de la médecine ? Vachansky, oh, ça c'est déjà c'est un sacré sport. Louis Vachansky. Déjà une Vachansky, c'est rare. Déjà une Vachansky, c'est rare. Ouais. Qu'est-ce qu'il a inventé ce bon monsieur ? Ça n'évoque rien, la pénicilline, aucune idée. Non, ça c'est Fleming. Mais oui. Non. L'appareil à écarter les fesses. Non. Non, si vous ne savez pas, ce sera difficile. C'est le premier greffé du cœur. Ah oui. Tu peux reposer avec Bernard. Ta question. Ah oui, avec non, pourquoi il est resté, d'accord. Combien de coutures y a-t-il sur un ballon de football ? Ça c'est une bonne question. Oui. Moi je dirais une. Vous dites une et c'est quatre. Ah. Bon. Ah. Ouais, on vous applaudit quand même. On peut les applaudir quand même. Oui, parce qu'Henri Miller, hein, ouais. C'est bien Henri Miller. Et alors, total final, donc 3 points pour l'équipe Hortefeux, 4 pour l'équipe Besson. C'est donc l'équipe Besson qui gagne le point. Ouais. Ce qui fait quand même 5 à 0. 5 à 0. Non, là, tu viens de marquer un point, Bob. Ah bon ? Tu viens de marquer un seul point, Bob, là. Ah, je crois qu'on avait marqué 4 points. Non, un seul. Ah. Mais j'ai bien quand même. Très bien. Donc, ça veut dire que nous allons revenir dans quelques instants. Et il y aura peut-être un extrait du spectacle de Nicolas Lobet. Oui, à tout de suite. Retour, on va se marrer avec... Avec qui? Avec Nicolas Lobert. Ah oui. Alors, en général, Philippe, tu poses une question à nos invités à ce moment-ci de l'émission. Oui. Tu regrettes toujours pas d'être venu? Pas encore, non. Ben non, on l'a pas encore fait jusque chanter. Jusque-là, tout va bien. Ah, c'est vrai que t'as pas participé au jeu chant. Non, il a pas encore chanté. Il y a une petite chanson tout à l'heure d'Annie Cordy. Mais ça sera pour la troisième partie de l'émission. Ah, je croyais que tu leur faisais chanter la bite à Dudule. Oui. Aussi, oui. Ah, bah ça peut se faire. Hein. Ah. Mais ça, c'est dans la voiture de Gégé quand il le ramène. Non, Bob, c'est une émission intellectuelle, hein, entre le rappel. Oui. Oui. Donc, Nicolas Lobé est actuellement à l'affiche du théâtre Le Bout à Paris. Et le spectacle, mon cher Bob, rappelle-nous le titre. C'est pour voir si tu as suivi. Alors, attends, il faut que je réfléchisse un peu. Oui. Ah, c'est Nicolas Lobé. Voilà, oui. Ça s'appelle « À la recherche du bonheur au travail ». Non, là, c'est écrit trop loin, je peux pas le... T'as rien écouté, on a parlé pendant 20 minutes, t'as rien écouté du tout. Je t'en mets tout à l'heure. Tu n'as pas entendu les commentaires de Bob pendant que tu parlais? Si, je l'ai entendu, j'ai très bien entendu. Moi, j'attends le sketch. Hein, oui, voilà. Alors justement, on aimerait savoir un peu plus ce qui se passe au travail. Peut-on être heureux au travail, Nicolas? C'est une excellente question. En fait, il y a une grande étude qui a été menée pour savoir justement quelles étaient les motivations des gens dans leur travail. Alors selon vous, quel est le premier critère de motivation des gens au boulot? Le pognon. Oui. Alors le pognon, c'est arrivé en quatrième position, le pognon. Ça c'est des hypocrites. on va dire que c'est un sondage objectif. Avoir une bonne collègue dans son bureau. Oui, voilà. Oui. On s'approche. En fait, ce sont les relations au travail et la qualité du management. En fait, ils ont mis tout ça sous l'intitulé « plaisir dans les relations ». Ah, oui. Alors, comment faire pour avoir du plaisir dans les relations au travail? Ben, faut enlever son slip, hein. Par exemple. Parfois, c'est caché, en fait. Hein. Donc, écoutons une situation classique d'entreprise hein, pour détecter où peut se trouver caché le plaisir dans les relations au travail. Bonjour mademoiselle, je suis le nouveau coursier, c'est moi qui vais m'occuper de vous. J'espère que vous serez satisfaite de mes sévices. Oui, c'est vrai que j'ai mis du temps à venir. Je reconnais que je ne suis pas un rapide quand il s'agit de faire mes allers-retours. J'aime prendre mon temps. En général, les autres ne s'en plaignent pas. Je suis un pinailleur, mais je suis là. Vous avez cru que je vous avais oublié, vous étiez paniqué. Bon. C'est vrai qu'il m'arrive de sauter des clientes inopinément. Je vous ai monté une grosse livraison, ou est-ce que vous voulez que je vous la mette dans le fond? Montrez-moi, hein, c'est la première fois que je pénètre ici. Là, comme ça, là? Oui, moi toujours beaucoup, beaucoup de doigté. Je vais vous demander une décharge. Non, ces formalités commencent à me pomper. Hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en occuper, ça va dépendre de votre position. Bon, selon moi, vous êtes bonne pour cette responsabilité. Aïe, non, c'est là. Non, ne vous excusez pas. Encore a-t-il fallu que vous le suciez. Il faut aussi que je vous prenne un pli. Est-ce qu'il est préparé? Quelle belle enveloppe vous avez là. Tous les préliminaires ont été faits. Ah, je ne voudrais pas être mauvaise langue, mais... La fente est ouverte. Hein. Visiblement, vous l'avez mal humidifié, je vais m'en occuper. Ma langue est experte en la matière. Elle m'a l'air bien remplie, hein. Vous n'avez pas eu peur de la bourrer. Hein. Je ne sais pas si ça va pouvoir passer, ça me tourlupine. Enfin, je suis dubitatif. Bon, la taille de l'enveloppe était sans doute insuffisante. Si vous voulez, je peux vous enfiler une bien plus longue. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la sentez mieux? Non, elle n'est pas très chère. Elle est accessible à toutes les bourses. Est-ce que vous avez encore besoin de mes services? Non, parce que j'ai besoin de travailler plus. Hein. En ce moment, je suis raide. C'est très tendu. Donc, si vous avez un autre trou pour moi dans votre planning, je vous le prendrai bien volontiers. Oui, parce que là, je suis dans la merde. N'hésitez pas à faire plus appel à moi. Dans votre entreprise, vous êtes toujours fourré chez notre concurrent. Mais moi, je suis bien équipé pour m'occuper de vous hein, avec mon deux roues. On traverse tous les bouchons sans encombre. Celui-là est exceptionnel. Hein. Il finira par rentrer dans les annales. Et si vous avez de plus grandes attentes, je peux faire appel à des collègues. Hein. Faire bande à part, c'est pas trop mon genre. Hein. Vous verrez comment ils sont très touchants. Ils aiment le travail en profondeur. Bon, très bien, je vais me retirer. Je vous laisse. Pardon. Je vous laisse. Décidément, aujourd'hui, le lapsus m'habite. Bravo. Excellent. Merci beaucoup, merci. Je vais les noter pour les dire demain au bureau. Elles sont très bonnes. Alors, Nicolas Lebet, ah, on oui. vous le répète, au théâtre Le Bout à Paris, tous les vendredis à 19h. Et Le Bout, il y a un site internet, lebout.fr. Et puis, il y a même mon site, en fait, c'est nicolaslebet.fr. Vous trouvez des vidéos, enfin, plein de choses. Lobet, L-O-B-E-Y. Oui. Avec des, oui. Comme s'il y avait Maurice, il dirait avec des comment il n'arrive pas à le dire, comment il dit, bon, des extraits. Avec des extraits du spectacle. Des extraits du spectacle. Plein d'extraits. Et puis, il donnerait le comment le avec un zeste du mot. Métropigal, oui. Il donnerait voilà. Le métro. Métropigal, ligne 2. Alors, un petit multi-quiz, une autre épreuve de l'émission. C'est quoi le multi-quiz? Ah oui, c'est ton fameux jeu. Oui. Eh oui, c'est mon fameux jeu, le multi-quiz. Avec des quiz au choix, alors qui peuvent être des quiz musicaux. Il faut dire pas. Que Philippe a des grosses quiz. Voilà. Donc nous allons cette fois-ci commencer par l'équipe des Hortefeux, puisque tout à l'heure c'était l'équipe Besson qui a commencé, avec au choix un questionnaire sur les répliques dans les comédies, oui. Un questionnaire sur les hymnes nationaux, ou un questionnaire sur les animaux. Ah non, il n'y a pas eu Tintin cette semaine. Non, je l'ai effacé comme vous ne le voulez pas. Alors, les animaux, les hymnes nationaux ou les répliques dans les comédies. Je préférerais celui-là, moi. Répliques dans les comédies, ouais. Ok, ça me va. Bah, très bon choix. Alors, on va faire ça. Tu ne travailles pas, c'est facile. Non, mais de toute façon, tu ne l'aurais pas choisi, Bob. Tu n'aurais pas su répondre. Non, c'est vrai. Tout à fait. Alors, le maximum de bonnes réponses en une minute. Attention, c'est parti. L'arme fatale 3. Oh putain, il y a plus de plastique que chez Bertrand, qu'au supermarché, que dans Cher. Oui, dans c'est Cher. Correct. Ah. Non, le chrono, il est pas médical. Non, pas c'est dans ce jeu-là, non. Ace Ventura. Oui. Si je ne suis pas de retour dans 5 minutes, allez manger de la soupe. Appelez la police. Attendez plus longtemps. Attendez plus longtemps est meilleur aussi. Oui, oui, correct. Avant de partir, ah oui, c'est OSS 117. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Tu t'es vu? Je dois te tuer ou pas envie? Pas envie. Oui. Correct. Dans American Pie, oui. Une fois en stage d'été, bah, je me suis descendu 15 litres de maillot, enfoncé une flûte dans la chatte, fait prendre par un ours. L'ours, c'est pas mal. Hein. Je ne l'ai pas vu, mais moi, je vote pour l'ours. Ah. Tu votes pour l'ours? Moi, j'aurais voté pour la flûte. Ouais, la flûte est bien. Oui. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la chatte. Eh ben, attends, la disons, on n'avait pas chatte. Dit notre réponse. Ah, bah, si vous êtes. J'avais dit la flûte dans la chatte. Fraîcheur. Dans les bronzés. Bonsoir, nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer. À demain, Popeye. Bonsoir, nous on va pêcher. Bonsoir, nous... Ah oui, t'as dit quoi? Bonsoir, nous allons les niquer. Oui, bonne réponse. On est film par cœur, c'est désagréable. Mais attends, pourquoi tu crois que tu surveilles ou quoi? Donc ça fera 1 minute 30, on arrête là. Voilà, bon bah vous avez 1 minute 30 aussi. Hein. Voilà, avec 4 bonnes réponses quand même, hein. Vous avez bien assuré, c'est quand même pas mal. Bravo. Oui, bravo. On peut les applaudir, non, ça mérite. Alors, Bob. Oui. Bob et Gégé. Oui. Vous avez donc le choix entre hymnes nationaux, oui. Entre un quiz sur les animaux, ouais. Hein, ou un questionnaire département français. Moi, je préfère les animaux. Hein. Tu dois bien t'en douter. On apprend les animaux. Oh, bah oui, on connaît ta femme. Les animaux, Bob. Oui. Animaux. Alors, pour 1 minute 30, c'est parti. L'autre nom de la panthère est le puma, le léopard ou le jaguar? Le léopard. Bonne réponse de Bob Wicker. Sur quel continent vit le chat pêcheur? En Afrique, en Asie ou en Amérique? Le chat pêcheur? Un chat pêcheur. Non, il n'a pas dit Asie. J'ai dit Afrique, Asie ou Amérique? Oui, peut-être Asie. Asie. Vous dites Asie et c'est correct. Je suis l'ancêtre du chat domestique. Qui suis-je? Le chat des marais? Le chat des sables, le chat de Gordoni. Je crois que c'est le chat de Gordoni, mais j'ai encore un doute, mais je bah vas-y, que... vas-y. On va dire Gordoni, oui. Oui. C'est le chat des marais. Ah, ah, c'est bon. Bon. Je suis le plus grand félin du continent américain. Qui suis-je ? Le jaguar, le léopard, la chatte de Barbara Streisand. Le jaguar, le léopard ou le puma du continent américain ? Le puma, c'est... C'est un gros chat, le puma. Non, bon. Le jaguar, c'est plus une panthère. Ah bon, alors... Alors, on va dire le puma. Le puma, et c'est le jaguar. Ah bon ? Ah ! Bob ! Je suis le plus grand félin d'Afrique. Qui suis-je ? Le guépard, le lion ou la panthère ? Le plus grand, hein ? Le plus gros. Ah, le plus gros, le lion. Le lion, et c'est correct, bravo ! Donc, résultat des scores. Donc, tout à l'heure, l'équipe à Hortefeux avait marqué 4 points, ce qui était pas mal. Hein, et vous avez quand même bien joué, puisque vous avez marqué 3 points. Ah. Donc, le point final va à l'équipe Hortefeux. Le temps qu'ils ont eu, on a eu moins de questions. Quelle arnaque. Ils ont tout brouillé. Ah oui, mais alors Bob, si on te brouille l'écoute, ça va plus aller. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blague. Nouvelle tournée de blague, Bob. Ah. Alors, c'est un couple et l'autre a dit, si qu'on faisait une autre position ce soir. Eh bien d'accord, bonne idée. Toi, tu te mets derrière la table à passer, puis moi, je m'annonce dans le canapé, je regarde la télé. Mon pauvre garçon. Elle est bonne. Aux portes du paradis, Saint-Pierre accueille à l'autre 10 bonnes femmes. Que toutes celles qui ont déjà trompé leur mari s'avancent d'un pas. 9 femmes font un pas en avant. Il y a Saint-Pierre qui se retourne et qui dit adieu. Et qu'est-ce qu'on fait de la sourde ? C'est à toi, Nicolas. Nicolas, une petite mignonne, comme tout à l'heure. Une toute gentille, une toute mignonne. Ouais. C'est un vieux pervers qui demande à une petite fille de 8 ans, tu as déjà vu un pénis ? Ah. Alors la petite fille fait, bah non. Alors il baisse sa braguette, il lui montre, elle fait, ah ! Bah, c'est comme une bite, mais en plus petit, en fait. Pourquoi la nouvelle flotte belge a-t-elle été équipée de bateaux à fond transparent ? Voilà pour... une question. Ouais. C'est pour les quiz à Philippe. Pour que les marins puissent admirer l'ancienne flotte belge. Et alors, est-ce que vous connaissez le comble de l'innocence ? Bernard Tapie ? Oui. C'est une nonne qui travaille dans une usine de préservatifs et qui croit que ce sont des sacs de couchage pour souris. Oh, elle est bonne ! Oh, elle est bonne ! Je remplace Maurice ce soir. Attends, refais la fin de ta blague. Donc, des sacs de couchage pour souris. Oh, c'est le pire au pire. Bon, allez, on va revenir dans quelques instants avec la suite et peut-être un nouveau jeu. Ah, un nouveau ça jeu on aime bien. Après la pause. Oui. Retour, on va se marrer avec Nicolas Lobet. Hey. Et une imitation de Maurice. C'est une pute, papa, de ça. Elle est excellente. Voilà. Il fait la totale. Eh bien. Je fais toute l'équipe. Refais-nous GG parce qu'on n'a pas bien entendu. C'est une pute. Papa, de ça, enfin voilà. Ça, c'est une poufiasse. Donc, nous avons une autre épreuve dans l'émission. Il y en a déjà une. Oui, qui s'appelle « Mince, il manque une fiche ». Ah, ça, c'est dommage. Le nom est bien trouvé. Hein. Nouveau jeu. Il me manque une fiche. Non. Mince, il manque une fiche. Oui. Ça y est, j'ai retrouvé ma fiche. Voilà. Donc, deviner, c'est gagné. Ah, oui. Le principe est simple. J'ai donc noté sur des petits bouts de papier des mots anodins. Ah, très anodins. Je vais donc donner un mot au hasard à un membre d'une équipe. Le but du jeu étant de faire deviner le mot écrit sur le papier à l'autre membre de son équipe en ne donnant qu'un seul mot à la fois. Bien entendu, l'équipe d'en face va essayer de déboulonner... Bien entendu, Bob va dire que le truc. Voilà. Oui. Tout à fait. Et cette fois-ci, tu vas pas râler parce qu'on est deux contre deux. C'est voilà. Un vrai scandale. Alors, le premier mot pour que Nicolas Lobé puisse voir comment on y joue, on va le donner à Bob. Par hasard, là, c'est moi qui commence. On est toujours les plâtres. Oui, surtout quand tu vas chez l'esthéticienne. Donc, est-ce que tu choisis de faire commencer ton équipe, Bob, ou d'abord l'équipe des hortefeux? Bob a fait la moue. Hein. Une paire de claques. Non, je vais commencer. Non, pas sa femme. Ouais. Je vais commencer par les broussailles. Ouais. L'équipe des hortefeux, donc c'est pour vous. Hein. Ok. Alors, un mot à la fois, c'est parti. 1499. Ça fait 7 mots, Bob. Ah oui, mais c'est un ah oui, non, j'ai pas le droit de. J'ai droit à ça. Oui. Bah oui. 1499. C'est pas très loin de Christophe Colomb. De 400, oui, c'est 92, oui. 1400, c'est peut-être pas une année. Hein. 1499. Ouais. Moi, je dirais Amérique. Allez. Donc, c'est pas ça. Pour Gérard. Ah, attention, parce que il a l'air très concentré, donc ça veut dire que Gérard est censé trouver tout de suite. Ah oui, là, puis sinon il va se faire insulter. Là, sinon il se fait insulter. Sinon il se fait insulter. Supermarché. Couscous. 1499, supermarché. Mais je vais jamais au supermarché. Ah ben non, t'aimes pas, c'est pour les pauvres. Oui. Je supporte pas les pauvres. Oh. Quel affreux Jojo, ce GG. Quel affreux GG. Attends, alors. 1499 et supermarché. Voilà. Oui, supermarché, oui. Mmh. Supermarché. Je sais pas, moi, épicerie. Eh ben voilà, voilà quelque chose de. C'est pas ça. Donc là, la main passe. J'explique à Nicolas. Bob va nous donner un mot qui ne va pas nous aider à trouver. Voilà. Ça dépend. Marché. C'est peut-être une enseigne, mais. Je sais. Parce que peut-être 8 à 8, comme il nous a parlé de 1499, donc il y a 9-9. Donc. Ah, oh là là. Oh le pâté. On n'est pas sur Arte, là. Voilà, tu es en train d'en foutre partout. Et c'est sur. Ah oh, merde. Et il y a un trou. Toi, quand je te dis que voilà, pas Gérard la... est en train de manger des chips. Hein, je dis pour nos auditeurs de province. Oui, oui, je te rappelle que c'est Bob. Hein, ça ne peut pas être aussi fin que ça non plus. Alors, merci. Merci. Aussi fin que quoi? Que 9-9, 8 à 8. Non, non, non, non, non. Non, non, je m'adresse à Gérard, donc je fais attention. Là, ça va chier. Alors, donc, il faut qu'on trouve. Ça va chier, ça. Ouais. On va dire n'importe quoi. Hein. C'est marrant qu'il y ait un mot qui dit course. Supermarché, caddie. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui. Non. Ah, la main repasse. Alors. Et là, Gérard a la pression maximum. Ah oui, il a la bouton pression. Va-t-il. Marionnette. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, c'est bien. C'est bien. Ah. Une foire. Ah. Foire. Oui. Ouais. Ouais. Non. Je crois que la phrase la ce main... soir, ça va être Gérard, tu me désoles. Non, il va dire tu m'énerves là, je pense. Caisse. Ah. Caisse. Ah. Pantin, moi je faisais un parallèle avec marionnette. Mmh. Un supermarché qui serait situé à Pantin. Ah oui. Mmh. Ah. Ah bah c'est nos auditeurs de Perpignan sont très contents d'avoir un supermarché à Pantin. Vous, les auditeurs de Perpignan, vous inquiétez pas, ce n'est pas de ça. Perpignan ou d'ailleurs. Oui, et non, pas où. Et d'ailleurs. Et d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais répondre. Voilà. Écoutez, allez, on se dépêche. Je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tu as le droit de donner une réponse. Donc, il y a une enseigne qui s'appelle Guignol, hein, bien sûr, qui est bien connue. Eh bien, on va dire Guignol. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, la main passe. Non, tu t'es pas... Merde. Oh, si, j'ai réfléchi. Voilà. Ah, c'est bien. J'ai pas entendu le bruit quand tu réfléchissais. Si. Alors... Donc là, Bob est en train de réfléchir, de dire, est-ce qu'il va dire voilà. Tu m'énerves? Voilà, c'est tu ça. Tu m'agaces? Tu me désoles? Tu me fais pitié? Je dirais bien. Ah ouais. Hypermarché. Oh putain. Moi, je sais pas. Grande surface? Non. Alors, c'est sûr. Il y a comme marque, il y a Auchan, c'est bien, on va faire de la pub. Mais Grande surface, c'est deux mots, j'ai Auchan, pas Carrefour. Le Leclerc, Carrefour. Cora, merci dans le public. Je sais pas quoi dire pour aider. Oh, mais non, mais là. Ah, je crois. J'ai dit mousquetaires, les mousquetaires intermarchés. Ah, les mousquetaires. Attends, il nous a pas dit de mot encore. Il faut que je vous dise un mot. Éventuellement, oui. Contraire. Ah bah oui. Contraire bah de quoi oui, hein. Contraire de Marinette ou contraire Superette. De tout. Superette, bien sûr. Oh là là là là là là là là. Je t'ai dit supermarché. Là, il va se faire engueuler, là. Et je t'ai dit marionnette, donc superette. Marionnette, c'était pour le « être ». Et oui. Ah, oui, c'était pour là. Le « être ». Mais j'ai une réclamation, quand même. Est-ce qu'on a le droit de dire supermarché alors que le mot est superette ? Oui. La racine est la même. Oui, on l'autorise. T'inquiète pas, quand ça nous servira, tu quand ça nous servira. Quel rapport avec 1499 ? Oui, c'est ça. Parce que c'est la surface. au-delà de 1500, donc, oui. C'est un hypermarché. En dessous, c'est une supérette. Ah non. Ah. Il y a le supermarché avant la supérette. Oui, il y a le supermarché. Oui, mais enfin, il y a quatre. Il y a la supérette. Bon, allez, un mot maintenant pour Frédéric Coster. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah non, il veut me donner mon mot. Un mot pour Frédéric Coster qui va donc tenter de le faire deviner. C'est gagné. À Nicolas Lobet. Alors, est-ce que tu choisis de faire commencer Nicolas ou bien l'équipe des... Enfin, supermarché, des... j'étais pas loin de supérette quand même. Ah hein, oui, c'est bien, c'est bien. Non, mais... Non, je t'ai pas engueulé. Non, non, non, c'est bien. C'est mieux que Scarabée. C'est un peu de ma faute, j'étais un peu trop tordu. Ah, c'est oui. Mieux que Scarabée, oui. Ta femme nous l'a dit déjà, que t'étais un peu trop tordu. Alors... Allez, vas-y, mon Fred. On va faire commencer les Bessons. Ah, l'équipe des Bessons. Testicule. Orchidée. Bah oui, orchidée, ça veut dire testicule en grec. Ah. Non. Bah oui, testoncule. Bah oui, c'est la traduction. Ouais. Donc ce n'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. C'est pas la ça. Main passe. C'est pourquoi dommage. T'as pas dit couille. Oui, parce que c'est sûr que c'est pas ça. Sac. Bah, je dirais bourse. Bravo. Oh bravo. Tu vois, Gérard, ça peut aller très vite, ce jeu. Oui. Si tu mets du tien. Alors, le troisième mot, cette fois-ci, sera pour Gérard. Fruit. Légumes. Voilà, oui, légumes. Parce que de toute façon, le premier ne trouve pas. Donc. Alors, la bain passe. Pour Bob, pense bien. Oui. Chapeau. Geneviève de Fontenay. Oh. Melon. Oui, oui oh Et ils l'ont pris. Merci Gégé. Oh là là, Gégé, excellent. Excellent. Il y a 5 minutes, il disait que c'était une merde. J'ai pas dit ça. Moi, je sens que la prochaine fois, je vais me retrouver avec Maurice. Alors, pour Nicolas, le dernier mot, maintenant qu'il a bien vu comment ça se passait. Aucun mot à faire deviner, au hasard. Alors, est-ce que tu choisis de faire commencer d'abord Frédéric ou l'équipe des Bessons ? Alors, je vais commencer avec Frédéric. Ah. Je me tiens prêt. Alors, livreur. Chauffeur. Non. La main passe. Pourquoi tu rigoles toi ? Je vais dire camion. Pouet, pouet. C'était quoi le premier mot ? Livreur. T'avais qu'à écouter. Non, non, moi, livreur, je ne pourrais pas faire le bar. Et le deuxième, c'est camion. Livreur et camion. Allez. C'est dommage que Gégé n'est pas là parce que ça y aurait plus. Mais s'il est là. Maurice, parce que c'est un spécialiste des camions quand même. Ah oui. Sur les prières en pleine face. Bah, c'est... Ah non, ce n'était pas en pleine face. Il y a routier et camionneur. Enfin, c'est la mais comme il a dit camion, à mon avis, c'est plus routier. Plus ouais, que... routier. Routier. Toujours pas. Je vais dire sketch. Mélomane. Sketch, Maurice est de retour. Oui. Alors sketch, après, routier mélomane. Oui, alors après, t'as le droit de dire aussi à Fred, Fred, tu me désoles. Oui, Fred, tu me désoles. Rappelle-toi juste qu'il te ramène à la gare. Fred, je t'aime. Ah, ça va là. Je vais dire pli. Facteur. Alors toujours pas. Je vais dire à Fred entreprise. Voilà, coursier. Il vient de nous faire un sketch sur un coursier. Oui. Alors, ah oui. Eh, le plus drôle quand même, c'est que j'ai préparé mes mots avant l'émission et que je ne savais pas le thème de son sketch. Vous êtes, chère équipe des Bessons, menés 4 à 3. Oui. Donc, ah là là. Tout n'est tout pas joué. Est possible. Tout est possible. Bravo. Restez avec nous dans quelques instants. À la suite, on va se marrer avec la nouvelle tournée des blagues. C'est possible parce que tu leur donnes 3 fois plus de temps qu'à nous. On revient dans quelques instants. président, applaudis. Ah, on va se marrer avec Nicolas Lobet. Ah oui, bravo. Nicolas à l'affiche du théâtre Le Bou à Paris tous les vendredis soirs, qu'on se le dise. J'avais même pas remarqué qu'il était tout nu sur l'affiche. Mais oui, complètement, comme dans mon spectacle. Et sur scène aussi. Également, je suis. Je viens. Ah. Nu sous mes vêtements. Pour en savoir plus, le site internet de Nicolas, nicolaslobet.fr, Lobet, L-O-B-E-Y. Exactement. Quelle l'a pris pour lui. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blague. Alors, y a la nouvelle Airbus 421. Oh. 421. Ouais, il a explosé en plein vol et il est retombé sur le sol. Ah. Par chance, il a fait 421 du premier coup. Prochaine fois, tu commenceras pas par moi. Alors Nicolas. Alors ça se passe à Noël et ce sont deux frères qui viennent de recevoir leur cadeau. Donc bah, le plus petit a reçu une petite voiture. Et puis le grand a reçu une PlayStation, une panoplie Bob l'éponge et un poney. Alors le grand frère narque son petit frère. T'as vu, moi j'ai la PlayStation. Le petit frère de rien jouer avec sa petite voiture. Le plus grand continue, ouais, regarde ma panoplie Bob l'éponge, toi t'es ridicule avec ta petite voiture. Le petit frère dit toujours rien, il joue. Le grand frère continue, ouais, regarde mon poney, moi j'ai mon poney, tu monteras jamais dessus. Le petit frère continue à jouer. Eh ben moi j'ai pas le cancer. Oh là là là là. Le loup arrive chez Mère Grand. Oh là. Toc toc toc. Je crains le pire. Oh oui. Tire la bobinette et la chevillette chez Rat. Salut Mère Grand. Dis, t'as pas envie de changer un peu l'histoire? Si on tire un coup. Ouh, oui. Le loup saute sur la grand-mère et commence à s'activer. La Mère Grand, elle est un peu rouillée quand même. Et l'affaire, c'est pas facile. Hein. Bah, qu'est-ce qui se passe mon grand loup? Le loup fait une nouvelle tentative. Rien. Il n'arrive pas à rentrer dedans. Oh. Fou de rage, le loup se met à hurler. Mais elle pourrait pas se mailler le cul, l'autre conne, avec son pot de beurre. C'est du light. Bah c'est Roméo et Juliette. Hein. L'affaire est grave. Ça se passe dans le cockpit d'un avion. Dans le cockpit. Ah, t'as jamais baisé dans un avion? Jamais. Oui. Non. Le pilote est juif. Et le copilote est chinois. Ah merde. Alors il y a un silence de plomb. Alors une fois que l'avion est parti, que le pilote actionne le pilote automatique, il s'enfonce dans son fauteuil et dit: les Chinois me font chier. Vous pas aimez Chinois? Pourquoi? Ils ont bombardé Pearl Harbor. Non, pas Chinois. Bombardé Pearl Harbor, c'est Japonais. Japonais, Chinois, Viet, qu'est-ce que ça me fout, toutes les mêmes. Alors un lourd silence appesanti dans le cockpit. Puis au bout d'un moment, le Chinois est fait. Moi, pas aimé juif. Ah donc? Et pourquoi donc? Juif coulé Titanic. Non, là vous êtes complètement malade. Les juifs, ils sont pour rien, le coulé Titanic. C'est un iceberg qui a coulé Titanic. Iceberg, Goldberg, Grossenberg, Schulberg, tout pareil. Alors c'est un gars qui... C'est un gars qui va chez son coiffeur Maurice. Je vous les coupe. Alors comme tous les coiffeurs, bien sûr, Maurice commence pour lancer la discussion. Alors comment ça va? Oh ben ça va. Moi ça va. Je suis assez content. Je vais partir en vacances à Rome. À Rome, mais pourquoi vous voulez aller là-bas? La ville elle est sale, polluée, pleine d'Italiens. Attendez, vous êtes barzo pour aller à Rome. Mais comment vous y allez? J'y vais avec la Laguna. J'y vais avec un Italia. Un Italia? Oh, mais vous êtes fous! Faut pas avoir peur des avions, c'est que des vieux coucous, il y a un service inexistant, sans compter les retards, c'est abominable. Et vous allez dans quel hôtel? Oh, bah, on a réservé l'hôtel Marriott. Ce taudis! Enfin, c'est le pire hôtel de la ville! Les chambres sont toutes petites, le service est dégueulasse, enfin, c'est pas possible! Mais au fait, pourquoi vous avez choisi d'aller à Rome? On va à Rome parce qu'on voudrait visiter le Vatican. Et si possible, on aimerait bien voir le pape. Ah bah ça, c'est la meilleure, madame Dravé. Mais vous allez être des milliers sur la place Saint-Marc en train d'écarquiller les yeux. Mais oui, ça Venise. Saint-Pierre, Saint-Pierre. Oh là là là là. C'est là pas là moi là qui ai écrit. C'est Maurice. Hein. C'est Maurice qui a écrit. Même quand il est pas là, il sait pas les raconter. Enfin, c'est pas possible. Bon, un mois plus tard. Le mec revient chez son coiffeur pour sa traditionnelle coupe de cheveux. C'est Maurice le coiffeur. Oui, c'est moi. Bon alors, comment ça s'est passé ce voyage à Rome ? Je parie que le vol sur Alitalia, ça a été le pire de votre vie ? Ah non, non, non, c'était plutôt l'inverse. D'ailleurs, je me suis tapé une hôtesse dans les chiottes. Non, c'était très bien. Non, non, on est arrivé à l'heure, très bien, non, pas de problème. Ah bon ? Mais à Rome, ça a dû être l'enfer à l'hôtel Marriott. Ah non, pas du tout, au contraire, on a été surbooké, on a été surclassé, les chambres étaient très bien, très bien. Ouais. Ah ben, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous n'avez pas pu voir le pape. Eh ben en fait, je dois vous dire que quand on a visité le Vatican, il y a un moment, il y a un garde suisse qui m'a abordé pour me dire que le pape aimerait bien voir des Français, tout ça. Donc du coup, on a été reçus dans un hôtel particulier, 10 minutes avec le pape, vraiment très bien. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oh, pas grand-chose, il m'a simplement dit « Purée, mais qui c'est qui vous a fait une coupe de cheveux pareille de merde ?» Maurice, si tu nous écoutes. Ouais. Ah, elle était longue, mais elle était bonne. Ouais. Elle était bonne, oui. Pauvre Maurice. Oui. Mais tu vois, même quand il n'est pas là, il nous fait rire. Mais... Ah, mais quand il est là, il nous désole. C'est vrai. Mais alors, non. Pour notre invité quand même, oui. Puisqu'il ne l'a pas entendu, je propose un extrait pour rendre hommage à Maurice. Ah oui. Un extrait de La Vache et le Citron. Oh oui, présentez-moi vos hommages. Donc la deuxième blague, le top 50 des blagues de Maurice. Le citron. Le citron. Le citron. Le citron. Le citron. Comme j'ai pas beaucoup bu, hein, ça va rien donner. Ça va aller. Allez, on va essayer. Aujourd'hui. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Oh ! Le citron dit, plus un geste. Et la vache rétorque. On ne bouge pas, on ne bouge plus. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Vous l'avez dit. Tu peux pas me la refaire, mais un peu mieux. Non, pas du tout. C'est Damien qui l'a fait, hein, oui, jusqu'à maintenant. Oui, oui, oui. Ah non, elle était, non, non, elle était presque réussie, là, Maurice. Oui, mais je pense que. Il a dit plus un geste. Dans 15 ans, elle sera réussie. Non. C'est plus un zeste. Je pense parce que. Non, non, parce qu'il y a trop de lumière. Baissez la lumière du plateau et redonnez la blague à Maurice. Non, si, c'est la lumière qui le gêne. Attendez, regardez, voilà, on va baisser la lumière. C'est comme le moustique, c'est la lumière. Alors on est pratiquement dans le noir. Voilà, remettez de l'insuline dans la perfusion, voilà, de Maurice, s'il vous plaît. Alors Maurice, maintenant, presque dans le noir, à la lueur de la bougie. Comme Ophélie Winter. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Oh. Le citron dit, tais-toi, toi, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Le citron dit ça ? Non, mais moi, je la connais, ta blague, je m'en fous. Ah bon ? Mais ne parle pas quand je cause. Alors, refais-la depuis le début. Non, non, non, depuis le début, parce qu'on puisse la mettre en entier. Oh, oui. Une vache dit... Non. Une vache et un... On va y arriver. On va y arriver, on se... Mais tu vois que je t'avais dit que ça irait mieux on sur la lumière. On se cramponne au papier. Voilà. Allez. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Oh. Maurice, fais comme la tomate, concentre-toi. Ils sont cons, hein, quand même. Ah. Comme le lait. Oui, il est concentré, ah oui, comme on dit chez Nestlé. Le citron dit... Ah non, non, reprends-la, non, parce que là... Ah non, bah non. Et comment on va faire pour la diffuser? Attends, il faut bien la faire. Comment on va faire Allez, pour on la refait propre. Allez, on se tait, hein. Oui, plus un geste. Oui. Non, pas une vache. Une vache. Arrête. Allez. Allez, il n'y a plus de rebut. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Oh. Arrêtez, vous le déconcentrez. On est encore demain soir. Bien qu'on participe. Le citron dit, plus un geste. Mais non, un zeste. Un zeste. Il n'y a pas de blague. Ah bah oui, plus un zeste. Un geste. Un zeste. J'arrivais pas. Ouais. Bon, et la vache rétorque, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Bon, bah, elle est foirée encore. Elle est encore foirée. On recommencera la semaine prochaine. Plus jamais. Ah, si. Ah, bah, de toute façon, on l'a fait. Je crois. Oui. Je crois que Dr Bob avait un diagnostic pour cette maladie de Maurice. Oui, oui, il a été démoulé trop chaud. Tu m'avais pas dit qu'il avait un problème quand il était petit, non? Ah oui, ah bah oui, mais ça c'est sa maman qui raconte ça. Oui. Il a été percé trop petit. Non. Non, non, non, non, il y a eu le feu dedans. Ah. Oui. Ils l'ont éteint à coup de pelle. Maintenant, bah, il est comme ça. Alors, tu fais gaffe, celle-là, parce qu'elle est déposée à la SACEM, c'est dans mon spectacle. Ah, ben, tu l'as fait aussi. C'est moi, il y a 30 ans que je l'ai fait. Ouais, mais moi, je te l'ai piqué, je l'ai déposé. Allez, on va revenir dans quelques instants avec un nouvel extrait du spectacle de Nicolas Lebet et des imitations de Maurice par Frédéric Koester. A tout de suite. Retourne, on va se marrer avec Nicolas Lebet. Ah, quel talent! Alors, Nicolas Lebet, qui est persuadé qu'il peut y avoir du bonheur dans le travail, qu'on peut être heureux, peut-être. Et voici la preuve avec un extrait de son spectacle du théâtre Le Bout à Paris. Oui. Nicolas Lebet. Alors c'est un jour très particulier, à l'occasion de notre cours d'histoire, nous allons étudier ensemble l'événement qui a fait basculer le monde au XXIe siècle. Alors qui peut me dire quelle est la date d'aujourd'hui ? Non, c'est bien ça, nous sommes bien le 16 décembre. Donc notez tous à 16 décembre 2019. Donc nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de l'événement à l'origine de la Troisième Guerre mondiale. Donc quel était le nom de l'émission de radio où le drame a eu lieu ? On va se marrer. On va se marrer, oui, exactement, on va se marrer. Plus connu aujourd'hui sous le nom des petites grosses têtes, ensuite au rachat par RTL. Ah oui, oui. Et donc, qu'est-ce qui est venu s'écraser sur la tête de l'animateur Gégé ? Une pute. Non, une grosse paire de couilles. On s'approche. Pas une paire de couilles, c'était un... Une bite. Une bite. Ah, un éclairage. Oui, c'était un... Un projet réverbère. Pas loin. Un néon. Un néon qui est venu s'écraser sur la tête de Gégé. On a cru pouvoir le sauver, les pompiers sont venus, l'ont emmené et c'est là que l'impensable est arrivé. Le camion de pompiers a percuté la voiture présidentielle au bord de laquelle se trouvait la première dame de France de l'époque. Quel était le nom de la première dame de France de l'époque ? Maurice. Pierre Pouf. Maurice, oui. Non, pas encore Maurice, c'était plus tard. Ah, c'est plus tard Maurice. Carla Bruni. Plus connue aujourd'hui sous le nom de Carla Bruni Obama. Ah, c'est vrai, il en a une plus grosse. Oui. L'actuelle première dame des États-Unis, qui était complètement nue dans cette voiture avec son amant de l'époque. Alors, quel était le nom de l'amant de l'époque de Carla Bruni ? Frédéric Koester ? Pas loin, non, une personnalité de la scène internationale. Angela Merkel. Angela Merkel, tout à fait, qui était complètement nue dans cette voiture avec Carla Bruni. Fou de rage, qu'a fait Nicolas Sarkozy ? Qu'a-t-il lancé sur l'Allemagne ? Jacques Chirac. Il a lancé Jacques Chirac d'une grande force. Et puis, qu'a-t-il lancé ? Une bombe atomique. Une bombe atomique à l'origine de la Troisième Guerre mondiale. Arceau. Ça vous fait rire ? Vous savez ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que je vais vous balancer un micro. Attends. Gégé, attends, non ! Le néon ! Ah, on sent ça, que ça fait quoi, Gégé, d'être rentré dans l'histoire ? Ah bah... C'est génial. Génial, ça fait un peu mal, hein. C'est quand même l'histoire qui t'est rentrée dedans, là. Oh bah, la dernière fois qu'il a couché avec un homme politique, c'est plutôt l'histoire qui lui est rentrée dedans. À l'époque, oui, c'est vrai. Ah, t'es vrai. Ah, ce quoi, Giscard. Toutes des putes. Enfin, ah bah c'est lui, les Didi, alors. Oui. C'était Gégé, oui. Mais tu viens de l'ouest de la France, et les Didi de Nantes. Je peux pas être les Didi, parce que je ne me suis jamais plaint de mes amants. Oh. Mais eux aussi. Non, mais Giscard était fumasse parce que, à propos de Diel Fayed, oui. Bah, il s'est fait coiffer au poteau. Ah, oui. Oh, oui, par Maurice. Par Maurice. De toute façon, c'est clair que le prince Charles lui avait toujours dit, hein, tu finiras sous les ponts. Ouais, en jeu. Alors, royal. Une question pour marquer des points. Pourquoi ? marquer des points. Ah, oui. Pour essayer de marquer des points pour certains. Donc, une deuxième partie de Trivial. Une carte, 6 questions. But du jeu, répondre au plus grand nombre de questions pour marquer le point final. Tu commences par les blondes ? Je vais commencer par l'équipe des Hortefeux, puisque tout à l'heure j'ai commencé par l'équipe Besson. Écarte numéro 1 ou numéro 2 ? Non, on ne dit pas écarte numéro 1. Déjà, je ne suis pas Maurice. Non, on ne dit pas numéro 2, on écarte les deux. On, dit... on écarte 2. Tu veux laquelle ? La 1 ou la 2 ? Carte 2. Écarte qui ? La deuxième carte, attention au chronomètre, c'est parti. Oh là. À quel continent appartient la Micronésie ? Océanie. Comment tu dis ? Océanie. Ah, j'ai correct. Compris, Stéphanie. Qui a chanté des petits trous, toujours des petits trous ? Il y a plusieurs. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Gainsbourg, correct. De quel pays viennent les gourkas ? Les quoi ? Les gourkas. Les gourkas. G-U-R-K-H-A-S. Ouais, ok. Les gourdes. La Russie. Le Népal. Ah. Quel rôle interprétait Molière au moment de sa mort ? Le malade imaginaire. Correct. Yes. Combien d'astronautes étaient affectés à chaque vol Apollo ? 27, 28. Des astronautes ? Les astronautes. Ouais. À chaque vol Apollo. Ok, ouais. Parce que c'est le Apollo 11 qui a atterri sur la. Ah bah ceux qui. Parce qui a l'Uni, ils étaient quand 3. Il est tombé, okay. 3. Quand 3. Ils sont tombés, c'est parce 3. Qu'il y a un correct. Ouais. Bravo. Quel nom donne-t-on à un mets entouré de gelée ? Bob du club. Bob du club. Un mets en gelée. Et un truc dégueulasse, en tout cas. Comme le pâté en. Voilà, l'œuf, tout ça, là. C'est ça, dans la réponse. Je ne sais pas. Non, eh bien, c'est l'aspic. Ah. Quoi ? L'aspic. L'aspic ? Oui. Ah. Eh bien, ça vous fait quand même 4 bonnes réponses. Ouais. Bravo. En 1 minute 25. C'est vrai, quand même, signaler que les questions étaient faciles. Ah bah ouais, tout à l'heure, c'est les vôtres. Extrêmement facile. Extrêmement facile. Tout à l'heure, c'est les vôtres qui étaient faciles. Alors, les. Je veux dire qu'il y a de la bichaillerie dans tout ça. Les Bessons, vous êtes prêts pour la deuxième carte ? Alors, deuxième carte pour les Bessons. Top chrono. Quelle air jouait le premier satellite chinois ? Comment ? Quelle air jouait le premier satellite chinois ? L'hymne national chinois ? L'hymne national chinois ? L'Orient rouge. Oui, bah c'est l'hymne national chinois. Oui, bah on parle chinois. Pas chinois. Non. On va vérifier. On va taper des questions à la con qui nous fout. Quel fut le dernier président ? Qui fut le dernier président du Conseil de la 4ème République ? Ah, c'est la 4ème. C'est pas Auriol. Non, c'est pas Auriol. Le dernier président du Conseil. Président du Conseil. Du Conseil de la 4ème République. C'est De Gaulle, puisqu'ils ont été le chercher. Ah bah, puisqu'après De Gaulle. Oui, il a changé la Constitution. Oui, tout à fait. Et le dernier, c'est De Gaulle. Bonne réponse. Yes. Qui a inventé l'imprimerie ? Oui, voilà. Ah, bah, c'est Gutenberg. Correct. Qu'est-ce qu'un... Et qu'est-ce qu'ils ont imprimé en premier ? La Bible, eh oui. Qu'est-ce qu'un hareng sort ? Ben, c'est un hareng qui s'en va. C'est quand Maurice. C'est un hareng fumé. C'est quand Maurice ouvre sa braguette. C'est un hareng fumé. Correct. Ouais. Quelle couleur ont les fonds des chiffres à la roulette ? Il y a 3 couleurs. Les chiffres les à la roulette. Vous voyez la roulette ? Il y a du noir et du rouge. Oui. Et le zéro est vert. Et le vert, c'est correct. Bravo. Bravo. Niquez les petites. C'est extrêmement difficile, hein, Gutenberg. Alors. Oui, non mais. Oui. C'est honteux. Oui, bah, il y a de la triche. Gainsbourg, tu crois que c'était difficile aussi ? Oui. Attends, les petits trous. Bon, alors, une bonne réponse, enfin, une bonne nouvelle pour l'équipe des Bessons. Vous avez eu 6 bonnes réponses, ce qui signifie que vous marquez le point. Ça vous fait juste revenir à égalité. Ça vous fait juste revenir à égalité. Oui, mais sans tricher, contrairement à certains. Ah oui, t'as raison, la première question, il te l'a accordé alors qu'il n'aurait pas dû. Ce qui signifie que nous allons revenir, Poufias, dans quelques instants, car Frédéric Coster, ici présent, c'est lui-même, nous a préparé un petit quiz. Non, vous ne méritez pas. Oh, foutu pendant la semaine. Non, mais vous ne méritez pas, je l'ai fait, mais je refuse qu'il soit diffusé, vous ne le méritez pas, vous êtes des pauvres types. Allez, on revient dans quelques instants avec Nicolas Lomé. Oh oui, oh oui. avec Nicolas Lobet. Ah oui. Yes. Tu voulais pas faire un petit pipi d'ange, Bob? Non, c'est fait. Ah, c'est bon. Bah oui, il a profité de la pause. J'ai fait oui. Mon gros pipi. Oh bah dis donc, vu le temps que ça a duré, tu t'es branlé. Aussi, bah oui, oh, pendant que j'y suis. Ah bah non, là ça aurait fait double temps. Hein. Deux fois plus. Tiens, en parlant de ça, j'ai essayé le Viagra. Ah! Alors 4h10 sur la béquille. Hein. Ah, ah, quand même. Et donc, elle râle parce que pour 10 minutes de plus, ça vaut pas le coup. Fred, ça va être à toi. Donc, je crois que Frédéric Coster... Je crois que Frédéric Coster a préparé un mini-quiz. Ah bah oui. Ah. Un petit quiz. Et ah. C'est un quiz qui pas va faire... Pas dur, hein. Non, bah non, c'est pour Bob. C'est pour moi. Ah. Ça va faire plaisir à Bob du club. Ah, hein. Bon, je peux y aller, oui. Bah, on t'attend. Donc, hein. C'est un quiz spécial grosse tête. Ah, ah. Il y a 9 voix à découvrir. Le point commun entre ces 9 personnalités, c'est qu'ils ont tous, à un moment ou à un autre, participé aux grosses têtes de Philippe Bouvard. Mais attends, mais n'écoute pas RTL non, et Philippe mais Bouvard. Mais tu vas les reconnaître. Il y a 9 voix à reconnaître. Allez, on les note. C'est aussi le rose de la comédie, le rose du plaisir, de la vie sur Terre, opposé à des gens qui veulent nous la gâcher en nous disant que c'est caca. Monsieur le commissaire, j'ai éventré ma femme d'un coup de couteau. Alors le commissaire qui a autour d'un foot qui lui dit « Ah bon, ça s'est passé à quelle heure ?»« Bah, à 5h du matin. » Alors le commissaire fait « Oh, bah dites donc, vous ouvrez tôt dans la boucherie. » Est-ce que la séduction, c'est pas tout ça aussi ? Il est faible, apparemment, et donc, elle offre sa force. Et d'ailleurs, c'est assez stupéfiant pour un garçon de 30 ans d'avoir compris qu'est-ce qui peut se passer entre des gens de nos âges. Et le problème, c'est toujours la même chose. Vous appelez Dieu qui renvoie la balle sur le Saint-Esprit, donc après, on vous passe l'assistante, lui, il est toujours en réunion, et ça finit toujours de toute façon dans le bureau de Jésus, qui lui, sympa, finit toujours par payer. Donc mon conseil ce soir, appelez directement Jésus. Je me suis mariée 24 ans après à l'église parce que ton père, n'ayant pas raconté toute sa vie, avait oublié de me dire qu'il ne s'était pas appelé tout de suite au départ. Alors moi, comme je demandais partout l'acte de baptême de mon mari sous le nom de... On me disait non madame, il n'y a pas de gamin. Il s'appelait Plantin, t'as manqué, t'appelais Michel Plantin. J'ai vu la soucoupe, je me suis précipité parce qu'elle est partie et elle a disparu avec des angles, ce qui était... Je l'ai retrouvée. J'étais tout fier, la dame qui était la maman de la petite souris que j'accompagnais, oui. La revue, elle est tombée dans les pommes. J'ai aucune nouvelle de la soucoupe. Je rêve que je me réveille et que j'ai une envie de moutarde. Une envie de moutarde. Je sais pas, j'ai cette envie de moutarde. Une envie de manger de la moutarde, tout bête. Alors qu'est-ce que je fais? Je me lève, je vais au frigo, j'ouvre. Oh, un petit pot de beurre. Non, c'est pas de... Un tourneur sur métaux qui sent le métal, qui fait la pièce exactement, parce que nos bateaux, c'est ça aujourd'hui, hein, c'est, qui fait la pièce exactement comme il faut, quoi. Et quand, même s'il faut revenir le dimanche, quand la pièce est finie, c'est la pièce. 770 cartons de bingo, 100% gratuits et sans aucun dépôt d'argent nécessaire. N'attendez plus, rejoignez-nous, bingo 770. Ah! Oui. J'en ai trouvé pas, mais j'en trouve pas les noms. J'en ai trouvé 4 et 1, j'arrive pas à trouver son nom. Il y en a 4 que j'ai noté, mais j'en ai trouvé plus que je trouve plus leur nom. Moi j'en ai 3, mais beaucoup de. Puis les autres, c'est des sosies vocaux parce qu'ils me font penser à des gens, mais ça ne me faut pas eux. Ah, ça n'a aucun intérêt. Moi je pense que j'en ai 6, peut-être 7. Il y en a un, j'en suis pas sûr. Il m'a semblé le reconnaître, mais j'en suis pas sûr. Eh ben on va faire comme Maurice. Ah oui, on va la décomposer. Voilà. Allez, alors Bob, est-ce que tu as trouvé la une, Bob ? La une, oui, Bob, c'est Junio. Non, la une, Bob. Ah, c'est le jingle. C'est bien. C'est aussi le alors, rose première de la comédie, le rose du plaisir, de la vie sur Terre, posé à des gens c'est qui c'est veulent... C'est Junio. Moi, je ne l'avais pas reconnu. Gâché en nous disant que c'est caca. Alors, Junio. Je sais pas. Ouais, d'accord, oui. Moi, je ne l'avais pas reconnu. Mais c'est Gérard Jugnot, ah. Qui était en promotion pour son dernier film, un grand succès, Le Rose et le Noir. Oui, il est resté une semaine à l'affiche. Ah, c'est un Russe qui a écrit ça. Oui. Gorbatchev. Je ne sais plus. C'était Gérard Jugnot. Monsieur le commissaire, J'ai ventré ma femme d'un coup de couteau. Bon, celui-là, tout le monde le connaît, mais j'en trouve pas le nom. Moi, il me fait penser à Galabru, mais ce n'est pas Galabru. Non, c'est lui qui raconte des histoires. Bon, il dit service. Oh, bah dis donc. Vous ouvrez tôt dans la boucherie. Philippe. Et ah, bah oui, alors c'est. Ouais, bonne réponse de Philippe Castelli. Et oui, c'est ça. Castelli, voilà, c'est ça. C'est ouais. Castelli, oui. Voilà. Est-ce que la séduction, c'est pas tout ça aussi? Pas ma chamérine. Elle est, il est faible, apparemment, ouais. Et donc, elle offre sa force. Et d'ailleurs, c'est assez stupéfiant pour un garçon de 30 ans d'avoir compris qu'est-ce qui peut se passer entre des gens de nos âges. Bravo, Gégé, c'était ma chamérine. Ah. Tu vois, les bonnes femmes, je les aime bien, finalement. Et le problème, c'est toujours la même chose. Vous appelez Dieu, qui renvoie la balle sur le Saint-Esprit. C'est pas ton copain, Fifi. Donc après, on passe à 600 000, il est toujours en réunion. Et ça finit toujours, de toute façon, dans le bureau de Jésus, qui, lui, sympa, finit toujours par payer. C'est sa voix. Ce soir, c'est Julien Courbet. Bravo, Gégé, encore. C'est ça que lui, j'ai envie du fil des claques, mais j'aimerais bien coucher avec quand même. De sa vie. Avait oublié de me dire ça, c'est Sardou. Jackie Sardou. Tout de suite au départ. Et elle le dit le nom, je l'ai coupé. Comme je demandais partout l'acte de baptême de mon mari sous le nom français. Il paraît qu'elle fait le même bonnet que Maurice. Bah maintenant, elle a pu faire un grand bonnet. Ensuite, ah. J'ai vu la soucoupe. Ça, c'est Darry Cole. Darry Cole. Darry Cole. Bravo, Bob du club. Je savais, j'avais tout. Je l'ai retrouvé. J'étais tout fier. La dame qui était la maman de la petite souris que j'accompagnais l'a revue. Elle est tombée dans les pommes. Et là, il bégaye pas. Une nouvelle de la soucoupe. Je rêve que je me réveille. Ça, c'est pour Philippe. Ça. Et que j'ai une envie de moutarde. Une envie de moutarde. Oui, c'est bien lui. Je sais pas, j'ai un doute, une moutarde. Une envie de manger de la moutarde, tout bête. Alors, je sais, je me lève, je vais au frigo, j'ouvre. Oh, un petit pot de beurre. Non, c'est pas de la moutarde. Nicolas? Non, mais je vois très bien sa tête, mais je n'ai pas son nom. Donc, il n'a pas de cheveux, il raconte des blagues. Alors, il allez, vas-y, Philippe, c'est pour toi. C'est ton idole. Je fais la pub pour son bouquin. Ah oui, tu peux, oui. Guy Montagnier. Ah, bravo, Philippe. Ah oui, c'est Guy Montagnier. Et au départ, quand il a le début de l'extrait, j'ai cru que c'était Jean Lefebvre. Il avait les intonations de Jean Lefebvre. Ah ouais. Oui, l'autre prochain est facile. Un tourneur, oui, sur, très un facile. Tourneur sur métaux. Ça, c'est l'amiral. C'est l'aviateur, oui, ouais, c'est l'aviateur. Et oui, parce qu'il est avec Ruquier maintenant. C'est deux Kersozon. Olivier Kersozon, voilà. Mais il n'est pas aviateur. Non, le navigateur. 760. Et la dernière. Ah, moi je l'ai. 100%. Elle en est réduite à faire des pubs pour le bingo. Facile. C'est Daniel Gilbert. Non. Bingo 770. Nicolas. Evelyne Leclerc. Bravo. Bravo. Hey. Bah, c'était bien. Evelyne tu parlais de Daniel Gilbert. Tu sais que maintenant elle vend des meubles. Ah bon? Oui, elle a déjà commencé à vendre les siens. Je crois qu'elle vendait des bagues. Des bagues dorées? Non, des bagues. Des bagues dorées. Magiques. Oui, magiques, c'est ça. Vous oui. savez qu'elle a fait un procès à Flavie Flamand. Ah! Il y a quelques semaines. Oui. Vous savez, parce que Flavie Flamand a dit dans la presse qu'elle n'était pas, pas ringarde comme Daniel Gilbert. Ah. Et l'autre lui fait un procès en disant: dites non, mon nom, c'est pas une insulte quand même. Mais par contre, elle va refaire de la télé. Hein. Ah mince. Elle a trouvé un job pendant 2 mois chez Darty. Voilà. Allez, une tournée de blagues express. Ça veut dire que ce sont des petites blagues. Ah, des petites. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Fred. C'est un patron qui voit arriver sa secrétaire et qui l'engueule. Non, mais dis donc, ça va pas, non? Vous avez vu l'heure? Il est 10h moins le quart, vous deviez être là à 9h. Ah bon, pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Nicolas. Eh bien, que fait une blonde quand l'eau de son bébé est trop chaude? Je sais pas. On met. Elle met des gants. Que faut-il faire quand on a une poupée gonflable avec des yeux blancs? La vider. Oh non. C'est un couple. Alors lui, moi tu sais, 5 cm de plus et je suis un roi. Ouais, enfin bon, 2 cm de moins et tu es une reine. Hein. Et est-ce que vous connaissez le comble pour un groupe de chats? Non. Bah, c'est d'avoir tué le Christ. Pourquoi? Bah parce qu'on dit pas « Dieu est descendu parmi nous oh ». Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh là là. C'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Elle est idiote, regardez. Regardez dans quel état il se Philippe est tout rouge. Ah non, mais elle est idiote. Elle est idiote, cette histoire. Non, mais elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Bon. C'est vrai que ça pourrait être horrible. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas compris ce qu'il a dit. Elle est très Allez, bien. Allez, on va revenir dans quelques instants pour la dernière partie avec Nicolas Lobet. Oh, oui. Retour, on va se marrer avec Nicolas Lobet. Ah oui. Bon, alors, le dernier multi-quiz de la soirée, Bob. Ah. J'espère que tu es prêt parce que cette fois-ci, ça va être un. T'es prêt ou pas? Ah, moi, je suis prêt. Je suis dans les starting. T'entends. Donc, ça va être un multi-quiz musical. Ah là là là. Toujours le même principe. Donner le plus grand nombre de bonnes réponses en une minute. On n'a pas le droit de choisir. Et bien là, je vais vous donner le choix. Je vais donner le choix. Alors, vous avez le choix entre hymnes nationaux. Encore ? Ça, c'est très, très dur. Il y en a combien, hein ? Ah ben, il y en a... Il faut en trouver le plus possible en une minute. Ah oui. Une minute. Hein. Donc, moi, j'en connais trois. Donc, vous avez un questionnaire musique de film. Ah oui. Peut-être bien ça. Et le reste, c'est quoi ? Et l'autre, c'est quoi, l'autre ? Et un questionnaire... Blind test musical, donc ce sont c'est de la musique. Là, c'est des chansons, chansons françaises. Alors, musique de film. Alors, musique de film. En une minute, le maximum de bonnes réponses. Et puis, toi, cinq. Alors, c'est parti. Allez. De quel film est tirée cette musique ? Les Visiteurs, Les Anges Gardiens ou l'Opération Cornet Beef ? Les Anges Gardiens ? Oui. Enfin, c'est Les Visiteurs, on l'entend. Oh, c'est OK ! C'est Barbara Streisand, ça. Bodyguard. Ah oui. Fame. Ou Danse avec les loups. Non, c'est Bodyguard, ça. C'est Bodyguard. Et c'est une bonne réponse de Bob Duclos. Tu connais bien les musiques de film. Ah oui. Et c'est qui chante? C'est Barbara. C'est Whitney Houston. Ah, c'est bien. Ah bah tu vois, je savais pour une fois. Musique suivante. À ton rythme. C'est en une minute hein, qu'il faut répondre. De quel... Ah, il était... ça je sais. Il était, c'est pas, il était une fois dans non, pas du tout. C'est quoi ? C'est la mélodie c'est du bonheur. X Files. Ah, sans aucune proposition. Ah non, comment tu dis ? X File. Mais c'est pas un film, c'est une série. Ah non, non, il y a le film. X Files, non, le film. La série, c'est Cool Case. Cool Case. Le petit baigneur, le tatoué ou Fantomas ? Fantomas, oui. Ah, ah, ah. C'est trop. Allez. Non, mais pour vous, c'est facile. Une mais dernière. Pour vous, c'est dur. De quel film ? Star Trek, Star Wars, Star ou E.T. Star Wars. Eh oui, la guerre ah des oui, étoiles. Oui, oui, la guerre des... Pas de réponse de Bob du club. C'est... Oh là là là là là là. Excellent. Tu vois qu'on a bien fait de choisir ça. Bah oui, quatre bonnes réponses, je reviens pas Bob. Alors là moi vraiment tu ah bah moi non plus. Alors, que reste-t-il de nos amours ? La li la li. Nous avons un questionnaire musical, dessin animé des années 80. Hymnes nationaux ou blind test. Tout sauf les hymnes. Oui, bon, on va prendre blind test. Hein. Allez, c'est quoi blind test ? Il y a dessin animé, tu connais toi ? Oui. Dessin animé des années 80. Ah, parce que moi, j'y connais rien. C'est dessin animé. Non, bah alors le blind test. Le blind, blind test. Test. C'est allez, parti. Bien fait, prendre ça. Qui chante ? Bob Sinclair, Martin Solveig ou David Guetta ? Moi, je les connais. Aucun des trois. C'est eux qui chantent. Ce disque est de qui alors ? Tu aurais su répondre ça ? Bon. Donner la réponse, tu nous laisses répondre ou encore on aurait gagné. Oui. Voilà. Donc, il y a Martin Solveig. Ouais. Oui. Oui, Martin Solveig, c'est une bonne. Ah, bravo ! Tu aurais dit ça aussi ? Ouais. Je les connais ni les uns ni les autres. Non, plus, je sais pas. Alors, pardon, c'est quoi ? Madonna ? Britney, oh, Madonna. Bah attends, mais attends, Madonna. On pourra rester là, l'école est finie. Enfin, mais elle va se taire, la vieille Maury, on passe là. Moi, je connais pas. Hein. Si. Sean Kingston, Sean Paul ou Senna Lennon. Sean Paul, ouais. Oui, correct. Senna Lennon. M6. Correct. C'est ça. De 6 minutes. Ah oui, c'est un blind test, c'est un blind tout. Test. Ah ouais, ça c'est. Guetta, Solveig ou Sinclair? Sinclair. Guetta, Solveig ou Sinclair? Ok, ok. Oui, c'est ça, oui, c'est Bob Sinclair. Bob Sinclair. Oui, oui, oui. Bob Sinclair, correct. Un dernier. Quel est le titre? Ah. Call Me Shop, Coffee Shop, Candy Shop. Candy Shop. Correct. Cher Gérard, je t'annonce que le point va à l'équipe de l'excellent Nicolas Lobé. Bravo. On va se marrer. J'ai retrouvé. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est le jingle, Bob, ça. Donc, puisqu'il est temps, voici la dernière tournée de blagues. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Fred. Tu veux, alors j'en ai, il y en a deux, tu veux laquelle? Oh bah fais les deux. Hein, ah bah alors je peux faire les deux alors. C'est un organisateur de tournée belge assez minable qui appelle un impresario à Paris. Bonjour, dites-moi, je voudrais organiser un spectacle, il me faudrait un saxophoniste, quatre danseuses et une chanteuse. Alors l'impresario dit, ah bah... Pour les danseuses, il n'y a pas de problème. Le saxophoniste, je l'ai, mais pour les chanteuses, il y a carence. Ah bon, va pour carence. Je fais la deuxième tournée. Oui, vas-y. Oui. Alors, c'est le chef des galériens. C'est sur la galère de Jules César. Et c'est le chef des galériens qui... Ça ne nous rajeunit pas. Ah bah c'est ta jeunesse. T'étais déjà dans la vie active. Et il descend voir les galériens. Il fait, bon, les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah... Demain, vous aurez double ration à la cantine. Ouais, ouais. La mauvaise, c'est que cet après-midi, Jules César veut faire du ski nautique. Je suis comme Maurice, j'ai eu un petit trou. Alors, Nicolas Lobé. Alors, ça se passe dans une station de ski et c'est un couple qui se rend à l'école de ski et qui explique au directeur, voilà... On aimerait bien avoir le même prof de ski que l'année dernière, mais on ne se rappelle pas de son nom. Écoutez, décrivez-le-moi. Il avait un bonnet rouge. Ah non, mais ici, tous nos moniteurs de ski ont un bonnet rouge. Ah, sinon, il avait une combinaison bleue. C'est la même chose, quoi. Tous nos moniteurs ont une combinaison bleue. Ah oui, je me rappelle, il avait deux anus. Ah bon, mais pourquoi vous dites ça? Bah, à un moment de ses collègues est passé, on était en plein cours avec lui, il a fait tu t'en sors avec tes deux trous du cul? Une femme va chez le gynéco en pensant qu'elle est enceinte. Le gynéco l'observe et donne son avis. Mais vous n'êtes pas enceinte, madame, vous avez de l'air. Des poches de gaz dans le bas-ventre, c'est pour ça que vous gonflez. La bonne femme, elle rentre chez elle furieuse et dit à son mari, « Dis-moi, qu'est-ce que t'as dans ton froc? Une bip ou une pompe à vélo ?» Oh, j'ai des histoires de Maurice à vous raconter. Ah, oh, très belle, excellente. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau? Vous trouvez pas? Non. Un chou marin. Deux chefs sont sur un bateau, Babi et Baba. Oui. Baba tombe en l'eau, que se passe-t-il? Oui. Baba coule et Babi belle. Une autre, oui, Maurice. Comment s'appelle un journal publié chaque semaine au Sahara? Arrête, je mets tout. Un hebdomadaire. H1N1 là. Trois semaines après le jour de ses noces, il y a Marie qui téléphone au prêtre qui l'a marié. Mon père, oui, oui. Eh ben Gérard, mon mari, on s'est engueulé, on a eu une scène de ménage épouvantable. Enfin calmez-vous mon enfant, calmez-vous. C'est pas si grave. Hein. Chaque mariage doit avoir sa première dispute. Oui, je sais, oui, oui. Mais qu'est-ce que je dois faire du corps? Allez, un petit bonus uniquement pour Nicolas Lobé. Ah, Salut. Alors, une dernière par Maurice. Alors, Maurice a une histoire à vous raconter. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Ah, Bravo. C'est pas sûr que je la réussisse. C'est pas grave. Il nous reste, Maurice, je vais pas te mettre un coup de stress, mais il nous reste 30 secondes d'émission. Allez. Le citron dit, plus un geste, et la vache retort. On ne bouge plus. Toujours pas. Toujours pas. Il a flingué la vache. Il avait presque réussi le citron. Alors, on va d'abord remercier chaleureusement notre invité, Nicolas Lobet. Ouais. Merci à vous. On ira applaudir au théâtre Le Bout à Paris tous les vendredis soirs. À 19h. À 19h, c'est bien ça. Pour en savoir plus, le site internet de Nicolas. Voilà, nicolaslobet.fr, Lobet avec un Y. Merci Nicolas, tu reviens quand tu veux. À bientôt. Merci. À demain, oui. Merci à GG. Alors merci à Bob du club. Ah, oui, bravo. Ah bah de rien. Merci à Frédéric Coster. Oh, bravo. Avec son MySpace et tous ses extraits. Le MySpace c'est quoi? Tapez MySpace, Frédéric Coster. Je vais te racoler quand même demain. Hein. Avec un K. Voilà. Un comme Coster. Et merci à Davy pour la réalisation de cette émission. Davy ou Davy? Bon, alors, trois choses importantes à noter. C'est le podcast de l'émission que vous retrouvez sur internet www.onvasemarrer.com. Ça, je l'ai bien dit. Jusque-là, ça va. iTunes. Oh, oui. On va se marrer sur iTunes. Vous vous abonnez, comme ça, vous avez tous les podcasts qui arrivent chaque semaine. Et la page Facebook, le groupe Facebook. On va se marrer. On va se marrer pour être au courant de toutes les nouveautés et de tous les podcasts qui sont mis en ligne. Merci de votre fidélité et de votre patience. Rendez-vous la prochaine fois. Ah, si vous voulez bien.